pas la belle vie, je la trouverai. Je suis loin de ces belles filles qui me couraient derrière et qui pour moi mouraient. Je suis plus au quartier, je suis moins entouré. J'ai des petits problèmes, mais t'inquiète, t'en fais pas. Toi, je te dirai plus rien parce que tu te tais pas. J'aimais traîner, j'aimais bien rentrer tard. Puis dégoûter des gens, c'est Netflix pétard. Tu fais quand tu passais si tu m'as senti bizarre. Est-ce que tu m'as fait mal ou que t'es user? Je sais que les petits jaloux m'ont dans les viseurs. Maintenant, quand je rentre, je regarde le rétroviseur. J'ai poussé dur, moi, je suis pas là par hasard. C'est pas pour rien tout ce qu'il y a dans la salle. Mon petit bouchon a 5 ans dans le sac. J'ai le cerveau qui fume, laissez-moi, je suis sous la lune. Et j'en ai vu plus d'une, alors je fais vodka, chope, ça grume. J'ai le cerveau qui fume, laissez-moi, je suis sous la lune. Et j'en ai vu plus d'une, alors je fais vodka, chope, ça grume. Yamaha ouvert 6000 Kawasaki. Tu sais rien, tu ramènes ta fraise. T'as vu, je rigole, mais je suis pas très heureux. Je suis personne, mais dans le cœur, j'ai un trésor. Je suis fort parce que j'ai vu des horreurs. J'ai le cerveau qui fume, laissez-moi, je suis sous la lune. Et j'en ai vu plus d'une, alors je fais vodka, chope, ça grume. J'ai le cerveau qui fume, laissez-moi, je suis sous la lune.